se promène autour de la terre, mais les profondeurs qu'il amène, tous les calmars ont la domaine. Petite baleine, dis-moi où vas-tu, c'est tellement grand la mer, quand reviendras-tu, c'est tellement grand la mer, quand reviendras-tu. Tu nages entre des eaux, tu vas où le plancton abonde. Tu vis ta vie de baleineau, ton allure furibonde, mais enfuis tes âmes et leurs sondes. Petite baleine, dis-moi où vas-tu, c'est tellement grand la mer, quand reviendras-tu? C'est tellement grand la mer, quand reviendras-tu? Les barques à dix rameurs ne font plus partie du temps, car pour tous les pêcheurs, il y a des règlements qui freinent leurs élans. Petite baleine, dis-moi où vas-tu, c'est tellement grand la mer, quand reviendras-tu, c'est tellement grand la mer, quand reviendras-tu. De la mer, petite baleine se promène, tournant autour de la terre, vers les profondeurs qui l'amène, où les calmars ont la lomagne. Petite baleine, dis-moi où vas-tu, c'est tellement grand la mer, quand reviendras-tu? C'est tellement grand la mer, quand reviendras-tu?